Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 23 août et nous souhaitons une bonne fête aux roses, ça vient du latin rose, hein, tout simplement. Très sympathique et dynamique, les roses sont particulièrement ouvertes à la communication. Elles peuvent apparaître singulières et cultivent leur propre style. Elles dégagent une impression de force et d'assurance alors qu'elles sont en réalité fragiles et n'ont pas toujours confiance en elles. En fait, elles compensent leur vulnérabilité par leur facilité d'expression. Elles expriment la joie de vivre et leur enthousiasme est communicatif. Vives, adaptables, elles ont l'art de la persuasion ou de la riposte et des dons de comédienne. Elles savent plaire, séduire, charmer et distraire leur entourage. Elles apprécient les jeux et les amusements et veulent voir la vie du bon côté. Curieuses, elles s'intéressent à mille choses sans forcément en approfondir aucune. Elles tendent à la dispersion et à une certaine futilité. À droite, elles sont créatives et savent bricoler. Elles ont une volonté ainsi qu'une capacité d'action importante mais irrégulière. Le domaine affectif a une grande résonance sur leur destin personnel ou même professionnel. Dicton du jour à la Sainte Rose, pour le travailleur, pas de pause. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition lancée en 1998 par l'UNESCO en souvenir du soulèvement d'esclaves français en 1791 à Saint-Domingue. Au Brésil, c'est le jour de l'aéronaval. En Ukraine, c'est la fête du drapeau. Et dans l'Union européenne, c'est la journée européenne du souvenir des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 23 août. On va donc marquer une petite pause musicale avec le groupe LMFAO et leur titre I'm Sexy and I Know It. Girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. A little wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Hey. Girl, look at that body. sexy and I know it. LMFAO, I'm sexy and I know it, sur RJM, presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés à 23 août 1929, naissance de Vera Miles, actrice américaine, vue dans Psychose dans le rôle de Lila Crane, l'homme qui tue à Liberty Valance dans le rôle d'Ali Stoddart. 1934, naissance de Barbara Eden, actrice américaine, connue pour le rôle de Ginny dans la série télé Ginny de mes rêves au cours des années 60, vue également dans Dallas ou encore American Wives. 1949, naissance de Jacques Weber, acteur français, vu dans L'Adolescente, Rive droite, Rive gauche. Un homme et une femme, 20 ans déjà, Cyrano de Bergerac, où il a d'ailleurs remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle. Rupture, Beaumarchais l'insolent, 7 ans de mariage, Les Aristos, le bal des actrices, Sur la piste du marsupilami, Arrête de pleurer, Pénélope, Un prince presque charmant, ou encore Les yeux jaunes des crocodiles. 1960, naissance de Chris Potter, acteur canadien, connu pour son rôle du sergent Tom Ryan dans la série Les Dessous de Palm Beach, vu également dans Les Feux de l'Amour. 1965, naissance de Roger Avary, réalisateur et scénariste américain, connu pour ses collaborations au début des années 90 avec Quentin Tarantino. 1976, naissance de Scott Caan, acteur américain, vu dans Ennemi d'État, 60 secondes chrono, Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13 dans le rôle de Turk Malloy, Bleu d'Enfer, la série Entourage dans le rôle de Scott Lavin, Hawaii 5-0 dans le rôle de Danny Williams, ainsi que dans quelques épisodes d'NCIS Los Angeles quand les séries se croisent. 1978, naissance de Kobe Bryant, ancien basketteur américain qui a fait toute sa carrière aux Lakers de Los Angeles, hein, de 1996 à 2016, quintuple champion NBA. Il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. 1980, naissance de Joan Froggatt, actrice britannique connue pour son rôle d'Anna Smith dans la série télé Downton Abbey. 1986, naissance de Sky Blue, rappeur et DJ américain du groupe LMFAO. En 2012, décédé Jean-Luc Delarue, animateur et producteur français qui a présenté pendant de nombreuses années, hein, entre 1994 et 2009, ça se discute, et il a présenté également toute une histoire, hein, et produit entre 2006 et 2010. La même année, décédé Jerry Nelson, acteur américain, un des principaux marionnettistes des Muppets depuis leur création. En 2016, décédé Stephen Hill, acteur américain, connu pour son rôle de l'agent secret Daniel Briggs dans la série télé Mission Impossible et son rôle du procureur général Adam Schiff dans la série New York Police Judiciaire. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec Jérémy Frérot et son titre Revoir. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée. Penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à ceci. Pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur à ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur à ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Revoir de Jérémy et Frérot, hein, son tout nouveau titre sur le 107FM. Il est presque 8h42 et il est temps pour nous de faire un petit point sur la météo. La météo. Alors la météo pour aujourd'hui, eh bien ce sera plutôt mitigé. Hein. À cette heure-ci, on a des éclaircies, mais il y a encore quelques heures, il pleuvait. Donc voilà, ça va être plutôt mitigé avec des orages pour cet après-midi. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés ce matin, entre 27 et 29 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, cela devrait être une journée plutôt couverte avec peut-être de la pluie. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés l'après-midi. Et pour samedi, un temps variable et des températures qui dégringolent, hein, autant le dire, puisqu'elles devraient être comprises entre 9 et 10 degrés samedi matin et entre 16 et 17 degrés pour samedi après-midi. C'est ce qu'on a actuellement le matin. Allez, voilà pour la météo. On passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec du tennis et le tournoi de Winston-Salem où Gilles Simon a déclaré forfait hier pour son match face à Harrison. Il n'y a donc plus de Français en compétition et à New Haven aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Puig. En basket, match de préparation, le Jet Vosges s'est imposé hier soir face à Besançon 61 à 56. Et on termine avec du football, l'Europa League, le barrage aller pour Bordeaux qui se déplace sur la pelouse de la Gantoise. Et Bordeaux d'ailleurs, on connaît peut-être le nom du nouveau coach, puisqu'il devrait s'agir de Thierry Henry. Je dis bien devrait, ce n'est encore pas officiel à 100%. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. Oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. On va donc marquer tout de suite une dernière pause musicale et c'est mon coup de cœur de ces dernières semaines. Il est signé Amir qui nous a dévoilé son tout dernier titre inédit. Ça s'intitule Longtemps. On écoute tout de suite Amir. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance.